émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lino. Passez une bonne soirée, bienvenue pour cette semaine consacrée au Planète Rap de Monsieur Lino. Lino. Yes, bonsoir. Requiem, l'album arrive lundi dans les bacs. Lundi 12. Et on insiste avec la date parce que c'est important. Lundi 12 janvier, justement. Lundi c'est 12 subliminal, 12. Et toujours en précommande aussi l'album de Lino. Ouais. Il y a Calbo qui est là. Oui. Calbo, et tu es venu, alors là j'ai vu des têtes. J'ai vu des têtes. Ouais, il y a quelques. Voilà, il y a des mecs qui font des bruits d'animaux bizarres. Il y a des hyènes, il y a des chats, des ours. Il y a des mecs posés aussi. Ouais, non, il y a monsieur MC Janik qui est là. Voilà. Ah, comme ça fait plaisir. Un grand sage. De retrouver ce grand, surtout en cette période complexe en ce moment, d'avoir un sage comme MC Janik. La planète des sages. Qui a toujours prôné. Qui a toujours prôné la paix, l'unité. Yes. Ouais, on est avec donc ça fait monsieur. Particulièrement ouais, plaisir de te voir ce soir, Janik. Ah, merci Frangin, ça fait vraiment, je vois là, pour un petit moment, et je vois que tout le monde monte en pression, ça fait trop plaisir. Je suis vraiment content d'être là, sincèrement, parce que il y a mon collègue là, mon rappeur, que je kiffe depuis un moment déjà. Arsenic, c'est une histoire par rapport à moi. On a commencé à travailler ensemble dans les boîtes de Scud. On a sorti nos premières choses ensemble. Yes. Et puis, il y a eu l'aventure Sectora aussi. Ouais, mais c'est aussi, je parle surtout le fait Arjanic, Arsenic, je suis arrivé avec eux à la même époque, que j'ai participé à leur truc. Et moi, c'est avant tout des gars que je supporte grave. Et quand je vois celui-là qui arrive avec son solo et je vois que 2015 arrive, le truc, il est encore plus épais que jamais. Je dis vraiment, je suis trop content d'être là ce soir. Yes, merci. Et c'est ce que je dis aussi en ouverture. Voilà, toi qui as toujours aussi chanté la paix, l'unité, particulièrement en ces jours compliqués ici. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir de t'avoir aussi parmi nous ce soir. Bien, c'est un peu le rôle de la musique, d'une manière ou d'une autre. C'est de toute façon d'amener des vibrations positives, puisque la musique, c'est des accords, c'est de l'harmonie. On est ensemble sur le même tempo. Maintenant, on a choisi de faire des musiques qui parlent de certaines choses. Donc voilà, à partir de là, il faut prendre notre musique dans cette dimension-là aussi. On met les gens bien, mais en même temps, on leur dit des vraies choses. Je suis Janik. Eh ben, bienvenue, Janik. Un grand sage est là. Un moins sage. Tu as dit un grand singe. Non, rien du tout. La planète des sages. J'en ai mis les lunettes. À côté, il y a un grand singe. Il y a monsieur DOC, les deux. Je me suis perdu. J'étais dans un truc juste à côté. Là. Le parking, il doit me le rembourser, Lino. Pilote. Ah, d'accord, t'inquiète, on va gérer ça. Je vais voir les frères. J'ai un huissier qui bosse avec moi, il va gérer ça. Un huissier de justesse, ouais. Donc magnifique. Et aussi, comment va? Ouais, ça va, Fred. On se parlera hors antenne. Ah, il y a des histoires. Non, il y a pas d'histoire. On est là, 2015. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Faut tout dire ici. Non, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est la transparence. Non, il y a quelque chose d'exceptionnel quand même. C'est la sortie du. C'est le grand retour du de la plume. Oui. Le rap français. Ah, t'es parti. Il était parti. La plume avec un P majuscule. Pas retour. Non, tranquille. Donc, on est venu soutenir toute la famille, Calbo, Lino, Tequila. Tu vois, je veux dire, on parle. Yes. Et bah, bienvenue aussi à tout le monde. Tefa qui fait son entrée aussi. Suivi de Tonton Chenille, Saint-Luc. C'est le moment d'y aller. Allez, merci, bonne soirée, les frères. Tefa, ça va? Bien, ok. Eh bah écoute, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, ça donnait ça avec Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Planète Rap consacré à Lino. Yes. Journée particulière aujourd'hui. Bonsoir. Journée particulière, journée compliquée. D'ailleurs, on s'est dit, est-ce qu'il faut mettre un best-of? Est-ce qu'il faut pas faire d'émission? Eh ben non, ici à Skyrock, on a toujours cru en cette liberté d'expression. Alors on prie un peu au mal, cherchant le coupable partout, sortant nos classes. Dédicace au bar HLM où on a fait nos classes. Dis-moi, quoi tu rêves? Dis à quoi tu penses? Planète Rap. Là, j'ai vu un gars qui est arrivé, il est voilà, suspect, parce il a des que là, lunettes noires, j'ai des lunettes noires, un bonnet Lino, bizarre. J'ai l'impression que ce soir, c'est rire et chansons. Dans cette journée particulière, quelque part, ça va faire du bien un petit peu, puisque après la venue de John Rashid... Voilà, il y a un autre monsieur qui s'est pointé. Tino, t'as la venue de Tino. L'imitateur numéro un du rap français, du rap international même, j'ai envie de dire... Ouais, c'est ouais, monsieur Willax. Les parodieurs, tu vois, les bails de parodie depuis. Ça, non, c'est, il y a un truc qui est marrant avec les mecs qui font des parodies, ils ont plus de voix. On sait même plus, on sait même plus sa voix à lui. Ça va bien, Willax, avec ta voix normale? Ouais, ça va, ça roule. J'écris un autre chapitre de mon existence. J'appuie sur l'accélérateur, j'ai pris mes distances avec le thème. Je reviens la serrer les rappeurs, je cogne avec insistance. J'ai fait ça pour avoir et pour être. Je les insulte en rafale comme si j'avais le syndrome de la tourette. Planet Rap. Là, on a aussi un autre enfoiré à côté. C'est monsieur Youssoufa. Youssoufa, comment on va? Présentez-vous, monsieur. Pourquoi? Il y a que des humoristes aujourd'hui. Ah oui, ce soir, c'est la soirée qu'on a choisie. Ouais. Les animaux. Moi, je suis un rigolo, moi. Les animaux. Une spéciale humoriste, il y aura Youssoufa. Non, en plus, on a bien choisi la journée, quoi. Au fait, je sors d'une écoute, là, en plus. Je suis en des séances d'écoute avec toute l'équipe et tout ça. Et alors? Ah, alors, on est content. Il faut que Lino écoute. Si Lino valide en plus. Non, bah, le premier extrait sera quand. Lino m'a dit que c'était grave. Dans les prochains jours, et ça sera à mon avis dans la nocturne. Très bien. Je te l'annonce, hein, clairement. D'ici la fin du mois de janvier. Ouais, je pense. Planète Rap, le freestyle. C'est parti, c'est sur live dans Planète Rap. Ce son reflète les portes des blocs, c'est la bande son. Bloc, c'est la chanson, délinquante musique. Pour tous mes gars sous tension, ça zique, les phrases choquent, les récales détonations. Délinquante. Tu croyais quoi qu'on était calme, fils, t'as du mal à comprendre. Dans ce foutu rap, y'a qu'à mon mic à qui je fais grave confiance. À ce niveau-là, j'ai pas de morale, ni de cas de conscience. Ni que l'autotune, ni que le trap, ni que le rap conscient. One Love Commando, voici le style nouveau, ma dîne si chaud. J'suis pas de blague, j'prends des rigs, fan de grain, c'est par monsieur Erko. Claque sonore, c'est plus du rap. Bon, le nord, c'est du hostile level. Reprends le truc, n'éprends pas en improvisation. Y'a monsieur Begzoul ici à dans la direction en live direct. Y'a monsieur Youssoufa, c'est A-L-P-O-L-E-N-O. Improvisation sec, on direct live du planète rap de Porsche. J'arrive ici, c'est tech à la méthode putain de Corse. Y'a pas de problème, je rappe sur rhum, négro. Au microphone, négro, j'arrive, je nique tout, même les putains de rhum. Planet Rap, Planet Rap. 20h pile sur Skyrock, c'est le Planète Rap consacré à Lino, et c'est ce qui s'est passé hier soir durant une heure dans l'émission, une émission particulière, je le dis évidemment en début de ce Planète Rap, mais voilà une émission qui vivait, je pense que c'est la plus belle des réponses qu'on puisse faire en ce moment, une émission qui vit avec du son, avec de la musique, Yannick nous le disait aussi à l'instant, et avec Lino, son album à découvrir tous les soirs entre 20 et 21, c'est vrai qu'on n'a pas salué quelqu'un d'important aussi, parce qu'on parlait, il y a Bouboule qui est là aussi, monsieur Bouboule qui est là, monsieur Bouboule qui s'est occupé de vous pendant des années, un père fondateur, un des pères fondateurs du secteur A, on est. Yes. Bouboule vient nous dire un petit mot, un truc ou quoi, de réunir, de revoir un petit peu tout le monde là. Non, mais je vois tout le temps, presque. Je sais, mais là tous ensemble dans le même endroit. Ici dans ce studio. Ouais, bon, ça fait un moment, c'est vrai. Janice, ça fait un moment que j'avais pas vu. Bouboule, parle bien. Calbo aussi, ça fait un moment que j'avais pas vu. Bah ouais. Et David, ils sont bien, hein, ils sont en pleine forme. Ouais, ils sont beaux. Ils sont beaux, vous êtes beaux, riches, tout ça. Beau, oui, mais riche pas encore. Ça, on travaille dessus. On travaille dessus. Mais voilà, mais Bouboule, voilà, on tenait à ce qu'il soit là parce que c'est un gars qui était là depuis le début aussi. On a commencé avec lui et donc voilà quoi, c'est la famille. C'est la tête rouge dans la pochette de la haine. De la BO de la haine. Inspiré, ouais. Donc si vous voyez la BO de la haine avec les mecs avec une tête toute rouge, c'est Bouboule. Et ben il est là, c'est Bouboule. Il a pas changé. Il est moins rouge qu'avant, mais c'est toujours le même. C'est même. Et regarde juste derrière toi, Lino. Oh là là. Oh là là. Oh là là, attention. Un autre arrivant dans le studio. Attention. Monsieur Jackie Brown est là avec nous, des nègres marrons, évidemment. Jackie, comment va? Bah écoute, hein, tout va pour le mieux, on est là. Hein. Ça fait toujours plaisir d'être dans la place, de venir épauler, soutenir, appuyer les frères. Une voix reconnaissable. Voilà, donc, entre mille. De tous les auditeurs. T'entends pas ou quoi. Donc, il a suffi d'un coup de fil pour arriver rapidement et venir appuyer Monsieur Bors pour ce putain d'album qui est là dans les bacs, qui va arriver le 12 janvier. Lundi, et, voilà, on est vraiment fiers et contents de cet album qui arrive. Et voilà, d'où ma présence ici, d'où ma venue. Et on espère que les auditeurs seront vraiment au rendez-vous pour aller chercher ce projet. Parce que voilà, c'est d'une qualité rare, il faut le souligner. C'est pour ça que je l'ai appelé. Je sais qu'hier d'ailleurs, tu étais aussi à son showcase, hein, hier soir. Ouais, on a fait le showcase pour Faut que ça trace. Nouvelle émission pour chacun. Ouais, la nouvelle émission de Jackie, tuerie, voilà, les gens ils étaient là, on a kiffé, bon moment. Ouais, c'était lourd, des soirées hip-hop comme on les aime. Et donc il y avait Monsieur Bors, la famille Arsenic était là pour un showcase. Il y avait Dosset, il y avait Take a Mic. Et franchement c'était super lourd. Donc pour ce nouveau projet de radio, faut que ça trace, hein, toujours sur le terrain, on lâche rien Fred. Eh ben, bienvenue en tout cas, j'ai fait plaisir de te retrouver aussi. On va mettre le morceau de Lino avec Manon. Yes, pour débuter ce Planète Rap. Oui. On y va. Allez c'est parti, Planète Rap Lino. Yes. Dis-moi quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. Au bord du monde, je regarde le gouffre, et le gouffre me regarde aussi. La fin tarde, ça sent le soufre, et la tumeur a grossi jusqu'à mon dernier souffle. Je lutte l'image hardcore, on se la forge. Je voulais brailler encore, mais le cri est mort dans ma gorge. J'ai pris un cahier, je gratte mes plus belles colères. Pas des mots d'excuses perdus dans le système solaire. Mes textes fusent loin des rimes scolaires. Je verrai où les BPM me mènent. Parce qu'ici, tu peux être qui tu veux, à part toi-même. Les semaines, les mois, les années brûlent des fils, on pense des heures. On n'est plus des gosses, l'âge adulte, c'est comme le cimetière des rêveurs. Petite, le prince charmant a pris la galanterie sur une borne. Son mari cherche l'amour à pas cher, pendant qu'elle bouponne, blessée dans la chair, les cœurs. Sur messagerie, sentiment, dièse, 31 dièse. La faucheuse met sa plus belle lingerie. Avant crever anonyme, sans caméra. Maintenant c'est les strass qui nous tuent. Tu crèves quand même mais tu passes sur YouTube. J'ai assisté aux funérailles de la démocratie. On couvrira pas les actes de Fofana avec le rire de Marcy. Profaya, je rêve de tuer une étoile comme le médecin Michael. Donne-moi une raison de plus y croire ou ferme ta gueule. Des villes sous assistance respiratoire, je salue la résistance. Compte à rebours avant la troisième guerre. Je me fasse du pur. C'est de la pensée de distance. La révolution sera pas facebookisée. Mais faudra se rendre à l'évidence. On avance tous déguisés. À défaut de vivre, on simule. On se défonce pour la sensation. De l'autre côté du globe, on s'immole. Les murs se dressent, voulez les défoncer. Maintenant, je me contente de passer au-dessus. Le temps est persuasif comme un flingue et des sourcils froncés. Ici, la guerre se gagne le ventre vide. Fatigué de perdre, l'oseille achète des petites victoires. J'ai dû le comprendre vite. Alors on prie un peu ou mal, cherchant le coupable partout sortant nos classes. Des casse au bar HLM où on a fait nos classes. Dis-moi quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. C'est avec les tripes pour rien, jusqu'à ce que le monde tienne dans ma paume. J'écris avec un surin, je suis même pas à l'abri dans ma peau. Mes feuilles cicatrisent plus, j'écoute ce que le diable me chuchote. Quand j'en ai marre, puis c'est le message dans ce violon qui me sert de chiotte. Ça nique le moral des troupes, l'ambiance annonce un carnage. On cède à la panique, la rage, ça fait des trous dans le karma. J'ai embarqué dans le Titanic en espérant grimper au ciel. L'orage a un rire satanique et je vois les triangles isocèles. La vie m'étrangle, ils ont délocalisé l'usine à rêve. Détourné la colère du peuple, focalisé sur des minarets. Plus get up, stand up, le tché c'est plus qu'un t-shirt. Les deux pièces scotchées au bitume, c'est le meilleur tricheur. Qui gagne l'habitude de vivre entravé. Une chaîne reste une chaîne même en or. Et même sans morte, la vie reste une chienne. Ceux qui sont morts ont pris de l'avance. Ne cherchez pas mon place en haut de la page. Je suis pas de ceux qui croient que les péchés, ça part au lavage. Je connais pas le prix du bonheur. Si ça s'achète, combien de zéros tu mets? La tombe avant le déshonneur, petite. Combien d'euros tu m'aimes? Je suis pas donneur de leçons. Pas meilleur qu'un autre, j'ai juste pigé. Qu'enfant, tuer le temps. Maintenant, rêve de le figer. Sans excédent de bagages, je voyage léger. L'air gris, c'est lourd. Nous, on s'en remonte au crépuscule. La lune, c'est le soleil des loups. On blâme la bombe. Parce que lui, amorcé. Le vice est insomniaque, y'a des traces de piqûres sur les bras de Morphée. Le game est truqué, ils veulent que je mette un bémol. Tous hypnotisés par l'écran, éduqués par un démon. Des questions connes sans réponse, savent plus quel dieu invoquer. Surtout ne pas se poser les bonnes, comme à quoi ça sert de voter. Encore à moins qu'ils fassent un putain de froid polaire. En enfer, je sais que c'est les fous qui ont raison. Je fais confiance qu'aux hommes en colère. Les saisons crèvent, on chie pas de vif. Alors on rêve une fois dans le sas, braquer un peu de griffe. Je lis l'évangile selon Goldman et quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai Le Planète Rap consacré à Lino. L'album s'appelle Requiem et le morceau à l'instant avec Manon sur Skyrock. Tu l'as pas vu Lino parce que j'ai vu que tu étais en train de travailler sur les instruits. Il y aura du live. Yannick, je t'ai vu concentré et totalement à fond dans ce morceau de Lino. Ouais, grave. Que tu écoutais attentivement. Ouais, tu sais que je suis plus un gars du reggae music. Je vais pas te le cacher, les sound system, tout ça. Maintenant, ce que j'ai vu dans l'album de Lino, bon, par rapport au style, du fait que j'apprécie dans lui, c'est, dans son style, c'est qu'il y a quand même un gros côté spirituel, tu vois. Et c'est ce qui manque quand même dans la musique actuelle. Là, je vois que, au fur et à mesure que je découvre les chansons, je vois qu'il y a cette donne-là dedans. Et tu l'as pas entendu encore celui-ci, ce non, morceau? Non, non, là, j'étais en train de découvrir, je voyais le lyrics, le concept, la manière dont la production. Je t'ai vu te transformer, Yannick. Je suis obligé d'investir sur iTunes. Et bah, dès maintenant, on précommande l'album de Lino. Il y a l'autre moitié des Nègres Marrons qui vient d'arriver, rejoindre Jackie. Il y a monsieur Benji qui est là. Benji qui est là. Comme ça, il y a l'équipe des Nègres Marrons qui est là aussi ce soir. Là, tout le monde est au complet. Tout le monde est au complet. Ça va, Benji, en forme? Ça va, tranquillement. Retour fraîchement du bled. T'étais où? Congo. Tu vis bien, lui, mon frère. Il faudrait qu'il voyage. Comme d'hab, la source. La prochaine fois, il faudra que t'invites Lino. J'ai l'impression que c'est une demande d'invitation. Non, ça va. Mais bon, c'était... Lino, il a ce qu'il faut. Je casse les couilles, t'inquiète pas. Bon, est-ce que je suppose que voilà, ça, vous croisez souvent, ça fait plaisir de vous retrouver là. Ah ouais, quand il y a eu le concert Ministère Hammer où tout le monde s'est un peu retrouvé là ces derniers temps, mais bon concert de Ministère. Non, vous appelez régulièrement. On continue à échanger. Ouais, à échanger. Une cuisse de poulet de temps en temps. Une cuisse soit braisée, soit panée, ça dépend. Non, mais ça c'est, ça dépend de l'humeur. Soit panée, braisée, ça dépend. Braisée, panée. On est toujours en contact. Quoi. C'est la famille, ça reste voilà quoi. Comme qu'est-ce, tu vois, il y a toujours les gars sont là, il y a Boubou, il y a tout le monde est là. Quel souvenir, justement, une petite spéciale Secteur A. Et ben justement, quel souvenir vous gardez de cette grande époque qu'on appelait la grande époque du Secteur A, quand vous vous recroisez, quand vous en reparlez entre vous, c'est quoi? C'est les concerts, c'est cette espèce d'émulation qu'il y avait dans l'équipe, c'était quoi? On va dire que les souvenirs, ils sont gravés dans le sillon, hein. C'est tous les morceaux qu'on a pu faire ensemble, c'est toutes les images, tous les DVD qu'on a pu sortir, les tournées, le public. Le fameux Olympia aussi. L'Olympia. Deux concerts à l'Olympia, ouais. Voilà, le concert du Stermini dernièrement aussi, qui était... un gros voilà, un événement très important le pour nous. Le Bissot au Zénith aussi qui est un gros concert aussi qu'on a fait. Voilà, et c'est tous ces classiques dont les gens ne se lassent pas. Et voilà, on lâche pas la scène, on continue d'être sur le terrain et on voit que les gens sont toujours aussi réceptifs à des morceaux qui ont aujourd'hui 10 ans, 15 ans. Et est-ce qu'il vous arrive de penser peut-être à un futur album en commun? Alors c'est vrai que la dernière expérience c'était Noyau Dur, il y avait eu Noyau Dur. Ouais, il y avait eu Noyau Dur, ça fait quasiment 10 ans maintenant. C'est 2005 je crois, non? Voilà, exactement, 2005, 2015, ça fait 10 piges. Ça passe vite et un album en commun, faut voir après si les plannings de mais chacun... on a des morceaux en sous-main, hein. Il y a des morceaux en sous-main qui étaient sur un éventuel album. Attention, faut dire la vérité. Hein, c'est vrai. Moi, je dis tout ici. Il n'y a pas de langue, hein, tu vois, langue en bois de chêne. Il n'y a pas de langue. Moi, je dis ça parce que Jackie, je lui ai fait un peu le coup à l'émission la dernière fois. J'ai fait la langue en bois de chêne, il était vénère, mais bon. La langue de Merisier. Jackie, si tu veux prendre ta revanche et poser une question à Lino, à laquelle il n'a pas répondu. Il est fort, lui, j'adore ce mec. Ouais, j'adore ce mec. Il est fort. Profites-en, Jackie. Non, c'est quoi la question que tu aimerais lui poser ou que tu peut-être déjà posé, il a peut-être pas répondu. Quelle est ta couleur préférée? Non, on va le dire bleu. L'interview qu'on a fait avec Lino par rapport à l'émission, c'était plus une discussion vraiment qu'une série d'interviews. Mais non, il y a pas de langue de bois. En vérité, c'est nous, on sait déjà entre nous, on sait plein de choses. Mais pour revenir sur le truc du Secteur A, à part ce qui nous a marqué nous, c'est de voir que le public a vraiment été marqué et continue d'être marqué. Comme on a pu le voir hier au concert, à chaque fois qu'un groupe comme Arsenic monte sur scène, bah voilà, il se passe quelque chose et il se passe quelque chose de différent et là même pour nous. Donc au-delà de dire que c'est vrai, nous on a des classiques et des morceaux qui ont marqué, on peut parler au présent, on a des morceaux qui marquent encore et c'est ça qui à chaque fois nous fait plaisir et continue de nous donner cette vibes quoi. Attends, je reviens juste sur les côtes de Lino 2 secondes, tu parlais d'un album en commun et quelques minutes. Ouais, non mais parce que en fait les gens savent pas, j'ai pas de filtre alors je dis des choses. C'est vrai qu'on a des morceaux en stock. Mais ouais, on était sur un truc et on a beaucoup de morceaux on avait quoi? On avait presque 9 parce que 10 titres on avait fait. Ouais, 9 10 en commun. Mais c'était quoi? Il y avait l'idée, c'était quoi? Un album Secteur 1, un album plus Noyau Dur, Marron, album... Pete, Arsenic. Il y avait des projets qu'on va peut-être ressortir du tiroir. Bon, en attendant, il y a celui de Lino. 2015, voilà, l'année du 95. C'est bien, 2095. C'est vrai, l'année du 95, 2015. Jekyll vient d'arriver aussi. Pendant que M. Jekyll vient d'arriver rejoindre l'autre moitié des deux balles qui est déjà là, déhaussé avec nous. Ah, M. Jekyll. Dans quelques minutes, on va revenir. Lino, je crois qu'on met Suicide Commercial ce soir comme morceau. Ouais. C'est ça? Ouais. Tu as une opposition? Non, aucune opposition. Aucune opposition. J'adore ce titre. Et il y aura donc peut-être du live aussi avec vous tous ce soir. Ouais. Inch'Allah. Yeah. Non, il y a toujours quelques lyrics qui sont faire, en stock. On va faire des trucs. On va peut-être faire un truc avec Yannick. Tu sens, on va voir. On va sublimer tout ça. On va en profiter. Eh ben, ne bougez pas. Dans un instant, c'est le retour du Planet Rap avec Lino. Yes. Et juste après la pub, on vous balance Suicide Commercial qui est extrait de l'album. Lino a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. L'album s'appelle Requiem, c'est l'album de Lino à découvrir. Et le morceau Suicide Commercial tout de suite. Mauvaise question, mauvaise réponse, mauvaise gestion de la colère, mauvaise défonce, j'ai rien pour les écolières, je gerbe ce monde, mauvaise digestion, sur un son obèse, je monte la poudre par la langue de Molière, mauvaise direction, j'ai leur game entre les molaires, j'ai la plume en érection, et je connais trop l'air, sur le son j'ai percé, ça crève le globe oculaire, j'ai la grosse tête, la couronne me va pas, je la porte à l'auriculaire, suicide commercial, pourquoi arrondir quand je peux faire sale, ma balle traverse le filet, tu touches la transversale, casseur d'ambiance, coincé entre les Stromae et les Grimm sont dans ce rap métrosexuel. Comment tu planques un flingue dans un legging? Obsédé textuel, je crache dans la soupe, je donne tout. Je serai pas pris aux enfoirés en chien de cœur, comme le fils à John Q. Gueule de vainqueur, escalade la violence sans échelle. Dans le rap, le mot représenté est mort avec le Becherel. C'est dead et enterré, les avis divergent. Dans ce beat, j'ai tout pété, j'attends toujours mes 70 vierges. Comme de Babylone, j'attends la ruine. Avec un paquet de macaques qui font mentir Darwin. Coup de matraque, tu hurles, ça pisse de partout. J'nique tout, j'suis Stevie Wonder dans une partouze. Décadence grandeur, apocalypse now partout. La violence est vendeur, ici j'distribue les cartes et contrôle le jeu comme les partouches. Les cartouches, j'compte plus, monde cruel. J'suis gentil, c'est mythe, j'ai la gerbe sur les sons de bruelles. Pareil, j'exagère, j'concurrence le fossoyeur. J'envoie le 3/4 de la production française dans le sali broyeur. C'est que le début, j'entame à peine ma croissance. J'ai rien vu, rien entendu au commissariat. J'utilise que 3 sens. Mon taux de glycémie monte en bout de liste. Je viens comme un cancer sournois. J'suis pas bouddhiste, y'a que les armes que j'prends sur moi. Ça passe par la voie des ondes, tous les accros connaissent ça. Des grosses frappes en la seconde, le style est reconnaissable. Mon micro a raison, rapport père d'humeur sale. Saison 2, épisode 1, suicide commercial, commercial. Suicide commercial, commercial, commercial. Suicide commercial, chante mes lésions. Conne la censure, c'est mon art martial. Pourquoi arrondir les angles, moi j'peux faire ça. Je te ferai pas la morale. J'suis aussi drogué que toi si ce n'est plus. Sur la prod y'aura pas de fin, la Disney plus. De haine j'pousse, mets le feu pour y voir plus clair. J'irai pisser sur vos tombes et sur le canapé de Drucker. C'est la merde et on dit votons. Le diable a du flair. La sanction est dans les urnes. Si la vraie révolte c'était de plus le faire. J'traite les rappeurs comme j'ai ruqué. Ils nous prennent pour des gogoles shootés. Font des yo-yo avec la casquette sur le côté. J'fais pas la quête, non, j'crache mes boyaux. C'est lancé, j'casse au vide sur Twitter. J'encule le rap français, sale Twitter. Vérifie que les gamins dorment. La liberté d'expression, j'arrête aux portes la main d'or. Cet homme doit 21 grammes. Ah, j'dirai à vue de nez. Et si j'crame, j'irai en enfer fumer du crack avec Whitney. Tous les mêmes, si j'peux dissiper vos doutes. Sarkozy souffre quand j'pique valse comme une poupée vaudou. Sans modo street, j'fête la mort du disque sans champagne. Retour aux lyrics, c'est mon slogan de campagne. J'entends boire, c'est mort, boire, j'parle pas au type. Moi je vous pisse dessus sans prendre la peine de vous faire croire qu'il pleut. Je réveille tout pas, je fais des séances de spiritisme. Écriture automatique, possédée par le démon du lyricisme. Version trash de Juliette et Roméo. Arsenic prend Marianne en sandwich. En dégoûté la France des Oreos. Ça passe par la voie des ondes, tous les accros connaissent ça. Des grosses frappes en la seconde, le style est reconnaissable. Mon micro a raison, rapport père d'humeur sale. Saison 2, épisode 1, suicide commercial, commercial. Suicide commercial, commercial, commercial. Suicide commercial, chante mes lésions. Conne la censure, c'est mon art martial. Pourquoi arrondir les angles, moi je peux faire ça. Qui parle de relève, j'assure toujours les orbes secs. Mon dernier disque c'était en 2005. J'suis toujours pas tombé du top 5. Torse bombé, quiconque, y'a ma semence dans le sérum. C'est ce qui compte, laisse les branler ces petits cons sur les forums, sur les drums. J'fais mon trou, mais le feu sans accélérateur. J'laisse mes empreintes génitales, lapsus révélateur. Bois, bois, ils disent quoi, rien, j'donne du caviar à des porcs. Même avec les clés de la réussite, j'casse des portes. Nique leur émission, leur talk show. Sans rémission, l'époque chauffe. J'ai mille sons et autre chose dans ce gouffre. Carnage pour tous, pendant que tu parles de Maya. Gay. Ils font passer des lois qui t'enculent. Le mot est largué, je sens le souffle. Une presse rap des amateurs et des questions de merde. J'écrase les détonateurs, j'équipe des sons de merde. Que des acteurs foutus que j'enterre tout juste mon cap l'air homo. T'es qu'un YouTube gangster, même ton flingue a l'air homo. Là je crache tout avant l'extinction des feux. Pendant qu'ils mettent au top du silicone des extensions de cheveux. Ce sont les icônes, ici je frappe, c'est sec, rangez vos gels. Je rappe comme un coup de tête en finale, un sketch il faut au gel. Parce que mon sang rien à foutre, viens pas gratter du respect. Ils font les macs, la bite à Puno, c'est une clé USB. Violer le rap, ça laisse des marques à mon ADN sous ses ongles. Sur les BPM je rate de ma personne, je suis hors saison. Boss. Ça passe par la voix des ondes, tous les accros connaissent ça. Des grosses frappes à la seconde, le style est reconnaissable. Mon micro a raison, rapport père d'humeur sale. Saison 2, épisode 1, suicide commercial. Suicide commercial à l'instant, c'est extrait l'album de Lino Requiem, l'album qui sort lundi 12 janvier à découvrir cette semaine. Et la semaine prochaine aussi dans Planète Rap, il sera là Lino entre 20 et 21. Yes. On continue, c'est une grosse soirée hein, ce soir avec une bonne partie des artistes du label mythique Secteur 1. Il y a des gars qui rentrent, on sait pas. L'Altesse, le double S est arrivé. Monsieur Passy, il est là. Il parle rap. Sérieux. Non, Monsieur Passy est là. Passy avec Stomy qui ont retourné l'Olympia, c'était il y a quelques mois de cela. Ouais. Et toute la famille était là. Avec toute la famille qui est passée. Voilà, ça bien, va passer bien. Ouais, très très bien. Bon. Ça va, tranquille. En plus, il y a l'album de Lino qui sort, on est content. Donc voilà, on va kiffer un peu. Bon, content de tous vous retrouver aussi, je disais tout à l'heure en début d'émission. J'ai ému, Fred, il est ému. J'ai ému. Ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on fera. Nous on s'est vu, nous on a avec les Jackie Bengers, souvent, les Calvo, c'est. Voilà, là c'est l'album de Lino, on est content. Bon, et puis il y aura une session live dans quelques minutes aussi. On va bricoler des trucs, on va sortir des morceaux, on va voir ce qu'on peut faire. Et si tu dis allô Lino, il y a même quelqu'un aussi qui veut parler, que tu connais aussi très bien. Yes, allons-y. Mais il y a un petit décalage, c'est une petite surprise. C'est Jean-Pierre Foucault. Tu vas essayer de reconnaître la voix tout de suite dans les quelques secondes. Vas-y, parlez monsieur. Exprimez-vous. Allô. Ah oui, parce qu'il y a un petit décalage en fait, il y a un petit décalage. Un décalage, où il se trouve au Groenland. Monsieur, exprimez-vous, monsieur. Allô. Qui êtes-vous? C'est le Schmilblick. Allô, on m'entend. Quoi. Oui, est-il un homme, est-il une femme? Est-il un chat? L'invité mystère, on vous entend. Est-il un singe? Est-il un pit? Un humain? Galilo. Bacardi. Monsieur, Pete Bacardi. Calvo, Lino. Pete, t'as dit quoi? Ça va, Pete? Ça va et toi? Ouais, ça alors, va, tranquille. Pete, explique-nous ce petit décalage, tu te trouves où? Aux toilettes. Au Cameroun, en fait. Il est au Kivu. Dans la brousse. Dans la brousse. Je suis au Cameroun. Bon, tout se passe bien pour toi, Pete. On est content de t'avoir aussi. Je disais une belle soirée. T'as entendu un petit peu qu'il y a dans le studio de Planète Rap? Ouais, Passy, salut tout le monde, Passy, Calvo, Pete. Lino, je suppose qu'il y a Tequila, il y a tout le monde. Les Nègres Marrons qui sont là, il y a Janik qui est là aussi. Ah, les Nègres Marrons aussi. Il y a les deux balles qui sont là aussi. Oh, tous les gars. Oh, merde. Ah, merde. Il y a tout le monde, je suis pas là. Et toi, tu n'es pas là, tu es en train de bosser ou un peu de repos au Cameroun? Ouais, non, je bosse, j'ai monté des activités ici, je produis des artistes. Et je prépare mon disque aussi. Il récolte des caca. Dans la culture de la rage. Donc voilà quoi. Tu as reconnu qui a dit ça, Pete, ouais. pas besoin de. Non. Je rigole. On connaît le phénomène, hein. On connaît le phénomène Garfield. Bon, est-ce que t'as écouté toi un petit peu l'album de Lino, Pete? Écoute, Lino il a fait un peu le radin, j'ai pu écouter seulement les 3-4 titres qui sont sortis. Il m'a pas envoyé l'album en exclu. C'est déjà beaucoup, à l'époque on écoutait moins. Grave. Ah ouais, t'es au Cameroun. Benji nous dit qu'il est déjà en vente au Cameroun. Il y a la cassette qui en sort. En cassette TDK. Aujourd'hui avec les nouvelles technologies, on peut avoir les trucs ici. Non, mais j'ai écouté comme ça. Il est con, il n'y a pas d'électricité. C'est vraiment un connard. Il est con, lui. Qu'est-ce que tu disais, Pete? Vas-y, on t'écoute. Ouais, je disais, ouais, ben écoute, je pense que les sons, ils parlent par eux-mêmes. Hein. Lino, on sait, on a plus la, sa réputation, elle n'est plus à faire. Et je pense que l'album, il va répondre aux attentes. L'album il va répondre aux attentes qu'il y avait derrière cet album qu'on attendait depuis longtemps. Eh ben merci d'avoir été avec nous. En tout cas, yes, Pete, un petit mot pour toi, l'année 2015, qu'est-ce qui se passe pour toi? Après, on fera le tour de table aussi avec tout le monde, mais pour toi, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, je suis dans la même dynamique que tous mes acolytes. Là, je suis en studio ici pour mon nouveau disque. Et voilà quoi. Je pense que le concert qu'on a fait avec Patsy et Stomy, ça a remotivé, ça a galvanisé tout le monde. Et donc 2015, je pense qu'on sera omniprésent autant dans les bacs que sur scène. Yes. Eh ben, on te remercie d'avoir été avec nous. On te salue, Pete, et tu reviens quand tu veux. Ça fait merci plaisir vous d'entendre ta voix. Ouais, bonne chance à Monsieur Borst pour l'album lundi. Yes, merci pour toi. Et ok, salut les frères, salut les amis. Mets-moi des arachides du côté du Cameroun et de l'île de Palme. C'est assez drôle aussi, il y a des auditeurs qui reviennent, qui sont de retour, qui envoient des messages en disant regarde, il y a un croco qui a 35 ans qui dit je vends un ensemble Lacoste, banane, casquette, bonnet. Donc il date de l'époque d'Arsenic. Ah, mais on peut négocier. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites annonces de l'époque aussi, vous les balancez au 41-7. J'ai une banane, mais le bonnet. Les trentenaires sont de retour. Ils sont là, ils ont pris le contrôle ce soir. Ça va, moi j'en ai 25. Ouais, tout jeune. C'est bizarre. Ouais, hein. Je pense que ça fait partie aussi des grosses phrases, des grosses punchlines de cet album. Et c'est vrai que avec cet album de Nino, comme on le dit, ouais, les trentenaires peuvent rallumer la radio parce que il y a eu un long flottement. Et je pense que cet album va faire du bien aussi à toute une génération. Et d'ailleurs, on le disait un petit peu avec Pete, on parlait aussi un petit peu des projets pour les Negmarons. Il y a un nouvel album qui se prépare aussi, c'est ça, 2015? Ouais, exactement. Ben là, on est en plein mix. On vient de tourner deux clips. Qui sont déjà en boîte, qu'on va balancer courant janvier. On finalise, il nous reste quoi, 5-6 morceaux à finaliser, et puis après voilà, mettre le truc en route. En tout cas, ouais, l'album est terminé. Il y a eu plein de choses qui se sont fait entre temps. Donc ouais, je pense que pour nous ça va être une belle et bonne année musicale. Monsieur Borst là, il ouvre le bal. Ouais. Et puis nous on sera derrière en appui. On arrive aussi avec du frais, avec du son et du sang neuf. Pour Patsy, c'est vrai que Pete le disait, ça a galvanisé peut-être un petit peu tout le monde, le concert avec Stomy pour Ministère Hammer. C'était les 20 ans. C'était les 20 ans. 5-200, on est obligé de le fêter. Et en même temps, entre nous, quand on se voit, soit avec les Calbos, Jackie, Lino, tout le monde, on a vraiment ce lien de famille, des liens. On n'a pas besoin d'être derrière un micro ou un studio pour se voir, on se voit pour d'autres choses. Et on s'est dit, bon, voilà, faut quand même qu'on se regroupe de temps en temps, on kiffe ça, on continue tout le temps, faut qu'on fasse des trucs. C'est pas du faux, c'est pas du bluff, c'est vraiment un truc de cœur et de sang. Ministère, donc, voilà. C'était juste un concert, il y aura pas de voilà, d'autres dates. C'était, on voulait fêter les 20 ans dignement, donc on l'a fait à l'Olympia et c'était bien. Pas de titre inédit non plus. Il n'y aura pas d'album, Non, il y a eu les meilleurs dossiers. Ah, pas si, il y a un album quand même. Non, on doit faire un album tous ensemble, il y a déjà. Ah, mais là, on doit quand même un album ministère quand même. T'as loupé la première partie, tout à l'heure, Lino avec Jackie disait qu'ils ont des morceaux de côté. On a balancé le poteau feu. Ouais. C'est pas le poteau rose, c'est le poteau feu. Il y en a qu'un seul qu'on a sorti des morceaux, c'était pas de limite. Mais sinon, il y a quelques titres qui sont stock, tout ça. Mais pas si, bon, il y a un album de Ministère Adam qui va arriver. C'est Bouboule qui me l'a dit. C'est vrai, Dumont? Non. C'est la soirée des dossiers ce soir. Bon, et ben, on va continuer à les sortir. C'est Bouboule qui me l'a dit. On va continuer à les sortir dans un instant, on attaque le live. Et l'album, il s'appelle 95-300. Non, mais attends, c'était Jackie qui disait, attends, 95 de 2015 2095. C'est 2095, il y a beaucoup de choses à prévoir. Il y a beaucoup d'albums d'un peu tout le monde, il y a beaucoup d'albums de titres de près chez un peu tout le monde. Donc on va voir comment ça va sortir. Quoi. On est avec Anto, c'est ça Anton? Anto? Ouais, ouais. De Forback, salut Anto. Salut. Bienvenue, tu viens rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone avant d'attaquer le live dans le studio Planète Rap. Ouais, ouais. Et bon, t'écoutes, c'est parti. Ok. 1. Ok. En tout. 1. Yeah. Je suis pas ce genre de type qui pense qu'au stylo big. Je suis dans mon petit faut-il que je continue malgré la critique. Ouais, vite, clique, je clique, vite, je viens toujours défoncer. Comme un big kick de BR, promets jamais renoncer, logique. qui prod frais terre en ouvrant ma galerie magique et la technique comique ma clique ma c'est commis. Comprenne que je me sens vieux sans rire. Chef de mort ici je mentirais si je disais le contraire. Direct du contre-attaque tu disais oh, c'était mieux avant. Seul les cons s'attardent sur le passé, je te le dis maintenant, t'es même tes peurs. Secrètement je pensais sans aucune question pour pas aider, c'est par la réponse toujours la gueule ouverte comme le crocodile. Je suis qu'un prototype, beaucoup de mes potos. Trop de sophistes t'es pas taille malgré mon petit gabarit. Pour moi rap c'est capital même si j'aime pas de Paris. Pour tout pas de panique, ok. Voilà. Et bah voilà Anto. Oh, rapide, court, efficace. Merci à toi Anto. Merci, merci. On peut te retrouver. Et bah voilà, yes, on peut te retrouver sur le net. Anto. On peut te, tu veux balancer une adresse? Ouais, sur Facebook, vous tapez Anto CM. Ça s'écrit A-N-T-O-W. Ouais. Merci à toi Anto, passe une bonne soirée. Yes. Lino, est-ce qu'on est prêt pour le live maintenant? Là on va faire un truc avec monsieur Yannick. Monsieur Yannick, on va voir, on va trifouiller, on est quoi là? On a quoi? On a du temps. On a le temps qu'il faut. On a du temps. On a le temps qu'il faut, on va en profiter. On va travailler parce qu'il y a du monde là, il y a des rappeurs, faut que tout le monde se mette d'accord, on va voir. DJ Noise est au platine. On va balancer, on balance Noise, on met un monde parfait. Ouais. On commence. Et après. Ça va faire du bien, ça fait après, tu improvises, Noise. Yes. Un monde parfait. Voilà, des morceaux classiques. On parlait des classiques tout à l'heure, celui-ci. Oh. Arsenic, Yannick. Ah ouais, ça c'est un big tune. Ouais, ça c'est un très gros morceau, celui-ci. Ouais, Big Up Schneck qui m'a ramené ici. Franchement, il m'a dit. Il y a Lino qui fait le truc. Je lui ai dit, je suis obligé de venir. J'écoute le truc à la radio. Et je peux signaler justement que je suis samedi. Samedi au Cabaret Sauvage. Il y a le jeune Mathieu Ruben, tu sais, c'est un petit Ragadop Force. Festival, il fait un big show, tu vois, un truc en live avec des musiciens. Il y aura plein de chanteurs aussi. Il y a des anciens, des gars comme Nutit. Il y aura des Tyroni, Strika. Il y aura tout aussi une nouvelle génération. Lieutenant, et ça sera samedi au niveau. Et côté d'ailleurs, tu peux même dire, Yannick, que du cabaret sauvage. Bien sûr, je vais chanter là-bas. Ouais. Bah, je sais, mais est-ce que tu prépares aussi pour 2015? Il y a des choses qui arrivent. Ouais, ouais, là, je suis en tournée. Là, je suis à mi-chemin au niveau de l'album. Là, je suis à moitié du 7e album. Là, j'ai déjà enregistré. Mais là, je pars dans une logique vraiment assez classique, hein, reggae, roots, chansons en français. Voilà. Vraiment, je me suis fait plaisir avec des vrais musiciens. Et là, il me reste encore à enregistrer 2-3 virgules, les cuivres. Un petit coup de cora, un petit ukulélé, faire le mix. Et je vais livrer ça. Ouais, non, mais franchement, le truc, enfin, pour l'instant, je suis content de. Et bah, en attendant, on va aussi profiter de ce morceau, un des gros classiques de l'histoire de la musique du rap français. Un monde parfait, tout de suite en live. Original! Ce n'est pas un conte de fées. Non, c'est juste la réalité. Une fois de plus, l'album de Lino est en vente libre. Alors check là une fois de plus, ok, massive. J'aurais pris le but de qui est très. Talent. Balancer les noms, aime raison, du chat ou autre argument. Mais voilà, que tu vois là. Toi la majeure partie de son succès. Alex est de ta façon concept, mais jamais vexé. Complexé par rien du tout, on s'est dit on nique tout. Calbolino en croisade, tu bouges ou t'es avec nous. On était une trentaine au départ, dit ça l'arrivée. Avisé par les autorités de ne jamais y arriver. C'est comme ça. Dans les quartiers chauds. Ce qui est infaisable devient faisable quand tu me tournes le dos. Le chemin vers le succès, j'ai su que c'était quelque chose de possible. Ce luxe n'était pas réservé pour nous, pas impossible. Et vu que c'était un art où l'on se démerdait pas trop mal, on est entré balancer quelques balles. Boxer les mots intoxiqués par mon flot, les sauces du chaudron. Calbo a fait ses premiers pas, gars, sur le goudron. Je rappe mon vice, puis glisse sur le macadamétis. Des intrigues sur mes cahiers gris. Colle du tournevis. Vis en poche, hisse la bannière fauche à tout bout de champ gauche. Tout approche la majorité. Mais je m'accroche quand tout le monde reste, quand tout le monde fuit, quand toutes les décisions sont dans l'ennui, c'est là que je nuis. Enfin, un jour on crée l'arsenic. Les mondes des zones, des blocs, les blocs en briques. J'oublierai jamais ceux qui m'ont aidé ou supporté, car on se trouve souvent seul quand on arrive enfin au sommet. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, je me vaille comme un cheval de l'avant. Arsenic, ta route lâche pas ton plan. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches, elle n'est pas sûre, elle est tentueuse, alors des fois je trébuche, mais vaille que vaille, je vais de l'avant. En semi trace ta route, lâche pas ton plan. Je pose avec mon cœur et mes tripes. Pose pour mes sauts, ceux qui partagent et partagent mes tripes. Les roses et les moins roses, un clip. Dans ma tête, ma prose glisse sur les ondes à l'affiche. Ma gueule est bleue, les disques à bon. Et plus je connais le monde. J'ai passé le clair, le montant à flair. À traîner, dans la merde, freiner. Dans un trou noir, entraîner. Une guerre avec moi-même me pousse à être un battant. Fini d'être un assisté, le mec qui attend. C'est clair, ce monde est à moi ainsi que tout ce qui s'y trouve. Je lève la tête, prouve aux sceptiques que je peux faire du fric avec mon groupe. Trouver l'issue, la sortie, le bout du tunnel. Je voulais voler, mais je suis tombé. Difficile de planer avec une aile. La vie ça tient à rien et je l'ai appris à mes dépens. Le bien plus difficile à faire que le mal dans mes serpents. Je tiens mes lyrics, des mots plus forts qu'un coup de gun. Jeune couteau mal aiguisé, revenu à viser mec le fun. La féminité manque, le reste j'espère. Blasé beaucoup sont morts au combat et le reste espère. Espère un monde meilleur, noyé sous les soucis. J'ai appris que la chance dans la rue c'est de savoir prendre les raccourcis. Et zoom sur ce pompon, j'arrive zoom sur les up et les actes. Mon rap comme une doum doum clap. Chaque boom, chaque soirée, un effet boom rock. Mon gang est paré au Big Bang, le show est carré. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, mais bye que bye, je vais de l'avant. Il a placé, mais l'homme, c'est l'homme, il n'en a jamais assez. Alright, ok. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, mais bye que bye, je vais de l'avant. Je trace ma route, je lâche pas mon plan. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, mais bye que bye, je vais de l'avant. Big tune, yes, yes, massive. Une fois de plus, yes, il faut que tu me check. Yes, l'album il en vente, les villes en téléchargement légal, yeah. Et c'est un artiste, y'a un moment qui est tough pour toi et la chose est sérieuse. Big tune, l'album est en vente libre. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Et je te supporte au max. Si je vais à la radio et que je check Fred, attends tout ça quand c'est vraiment parce que t'as sorti un truc qui me met à l'aise. Prochain, big up Calbo, big up Leo, MC Janik, yes, en live, en enchaînement. On enchaîne, on enchaîne. Mais si on continue, tiens, Jackie, ambiance nous ça comme si c'est bien le faire. Il y a tout le monde debout, quoi. Il y a tout le monde debout, quoi. Toute la famille est là. Non, on sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, on est là en vivant et en direct. DJ Noise. Ça se passe sur Skyrock. DJ Noise au platine. Mettez-vous bien, c'est Arsenic, MC Janik, Passy, Deux Balles, Nec Marron. Et toute la famille est là. 9-5 est là. T'entends pas ou quoi? Et à Massif, dédicace à tous les quartiers, tous ceux qui nous écoutent, quel que soit l'endroit où tu te trouves. On est là, c'est l'album de Monsieur Elieno qu'on est venu supporter. On compte sur vous aussi pour aller l'acheter le 12 janvier dans les bacs et dans les blocs et dès à présent téléchargement légal. Ok, il y a DJ Noise. Pourquoi Jackie a toujours de la réverb? La voix est comme ça. C'est la marque de fabrique, comme ça direct. Dans sa voix, c'est dans sa voix. C'est sa voix qui est en réverb. Il y a une réverb direct. Yes, I. Ok. Yeah. Alright. Celle-ci c'est pour Elieno. Yeah, c'est pour Arsenic. Et on m'amène bench. Let's go. Et tout le monde debout. Que la fête commence. Les necs marrons sont dans la danse. L'ambiance est originale. Sans cesse antipical. Invite une jolie gale. Et mets-la, mets-la, mets-la, mets-la. Debout. Que la fête commence. Les necs marrons sont dans la danse. L'ambiance est originale. Sans cesse antipical. Invite une jolie gale. Mais c'est hey, bench. Mais je veux voir tout le monde. Oh, je pète. Oh, milieu des dance floors. Que tu sois en solo ou en couple au corps à corps. Benji dans la dance, voilà ce qui arrive. Je te donne que du bon rider rock pour les masses. Oui, j'aime tant cette musique, oui, j'aime tant son groove. J'aime quand tu t'agites, oui, j'aime quand tu bouges. Mets-toi les essuies de mouvement. Fais-lui voir que tu assures mes bases doucement. Son nom c'est danse, danse, danse. Son nom c'est danse, danse, danse. Tout le monde danse, danse, danse. Sur Skyrock, tout le monde danse, danse, danse. Elieno, planète rock. Et c'est massive, on a dit ça, direct. Tout le monde debout, que la fête commence. Les necs marrons sont dans la danse. L'ambiance est originale, sans se sentir bigale. Invite une jolie gale et mets-la, mets-la, mets-la, mets-la. Debout, que la fête commence. Les nègres marrons sont dans la danse. L'ambiance est originale, sans se sentir bigale. Calmement pour tous les gens qui nous écoutent. Deuxième couplet, c'est... Je sens que c'est chaud, négro, j'ai le flow qu'il faut. J'suis venu vous divertir. Branche-nous le micro, qu'on prenne la scène d'assaut. Oh, nègres marrons pour vous servir. Oh, c'est l'enfant du peuple et la voix du ghetto. Jackie, c'est le type sec et Jackie parle gros. J'adoucis les mœurs et bousille le tempo. Viens sur la piste et oublie tes blèmes pro. Ici pas d'amateur, t'as affaire à des pros. Nec Maro pour Elieno, on vient mettre ça. Oh, oh, oh. Et tout le monde debout, que la fête commence. Donne-moi tout le plaque sur DJ Noise. Différents styles, différents styles, différents styles. Sans perdre de temps, les conteneur il est chargé, chargé, chargé. Le conteneur il est chargé. Noise, t'as quoi en stock, t'entends pas ou quoi? Aïe. Noise, t'as quoi en stock? Yeah, tous ensemble dans le même désarroi. Le même mal de vivre, les mêmes... Non, c'est nous, on est loin bien. Là. Mais non, mais il y a les deux bas qui sont en place. Il s'est cassé les doigts sur les platines. Le Planet Rap, gros Planet Rap ce soir avec Lino. On n'a pas fini, les copains. On n'a pas fini, C'est pas fini, on commence. Balance encore, Noïc. Ah. Yes. Les deux balles au micro. Ça, c'est deux balles. Une spéciale pour un petit Curtis, Bilou. T'inquiète. Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. Traînons plus bas que terre, ceux qui nous l'ont déjà fait. Rendre le mal par le mal n'est pas bon en effet, mais la râle, la frustration empêche à la réflexion. Est-ce Dieu ou le diable qui guide toutes nos actions? Sache que derrière nous, il y a Beauval ainsi que les Lilettes. Tous les départements du 01 au 77. J'ai accompagné de G, à côté de Noise, réagissent. Notre tendance à justement hardcore, la jeunesse est désespérée. Elle est encore. Mais rien ne pourra l'arrêter. Ouais, quoi qu'il arrive, nous serons aussi nous défendre. Car tu ne te doutes que tout vient t'appeler. T'attends la sédition et la solution. Révolution. Multipliant les manifestations. La sédition et la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Ok, 17 liqueurs, ma milice est en sueur. Force de boucher sur le but indiqué par ailleurs. J'ai fleur, folie meurtrière. Jusqu'à ce que Babylone prenne peur. Ma peur dit bang bang. Ok, pour dérailler les inspecteurs. Regarde ton roi devant moi. Ouais. Et d'abord, on m'en fera ses deux cœurs. Préparez les cimetières. L'enculer à en enfer. Ouvre la porte de la guerre civile. Et rentre avec fierté. Car les droits de l'homme sont laissés à la porte d'entrée à jamais. Sachez que ma rage est loin d'être passagère. Face au commando numéro 3. Explique que je compte faire. Car lorsque des chiens mordent mes frères. Ces derniers sont en droit de les s'abattre. Et donc je check la muselière. Okay. Celui qui s'en tire n'est pas le flambeur, mais celui qui a des tripes. Pour une fois, soyons à la hauteur de nos lyrics. Du sang à 300% pour ces chants, la vision du chant dorénavant. Et dès maintenant, à toi de choisir ton la camp. Sédition et la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. La sédition et la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. L-I-N-O. La sédition et la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Maintenant dégainons. Si chacun. Lino Requiem, grand big up à toi. Merci. Allez tous ensemble. L'acheter, ça se passe le 12 janvier. Yeah. Deux balles. Oula. On enchaîne avec un différent style. PAWSI, son Altesse. Requiem, je le passé. Hey. Bigal, samedi, minuit, capote, saloperie, carotte. Dansez ce soir, Mephisto à la côte. Miséricorde à ceux qui vont profiter. Il y a quelques pas de là dans les cités. C'est plus la merde, ça sent l'herbe. Les gens sont comme des dans le quartier, veulent quartier. La coste râle, sont claqués, beaucoup sont claqués. Reste des bombes des militaires. À mort les porcs en décor sur les murs dehors. Et deux, vas-y, étudie le terrain. Un, deux, trois, ça sent le soufre et le dawa. Réalité dans l'escalier, le petit sous les grands lits. Vidu, camé, amené au canet planté. Tu me pousses, le bouche qu'à tous. Nos vies et nos bourses. Tracé, y passer ou tout casser. Tes gros problèmes, j'y sais assez. Le million. Sans venime pour peser, donc encore l'autre nuit. Les flammes du mal ont frappé la Tessie. Le temps des mots terminé, prier, c'est grillé. Là-haut, ça répond pas, donc on s'allie au diable. Comme Attila. Le Tinessie est là, prendre pas le sage. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, nickel à Allah. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, nickel à Allah. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis. Oui. Trop d'escrocs qui s'escroquent, évoluent dans nos rues. Salut la nuit, les loups font du vise. Les cerbères sont à l'affût, le prolétaire. Fonce des hauts rouges, va te viser. Halte sur l'asphalte, tout est si vite arrivé. Bienvenue dans les cités où la police ne va plus. Nos hypotes récoltent, fruits d'actes désinvoltes, survoltés comme des pits, survoltent, craquent avec leur colt. Un coup de pression, deux, course poursuite. Voilà les flammes, sur le macadam, ça part en vrille, se nique et se bousille. Plus de combat dans la ville, ça se trouve et s'enfile. Pour tous ces mêmes bitins, la réputation, le putain et ça se bute pour des histoires à foin. Ça brûle à la mémoire du disparu, trop long vu. Coqué, coqué, t'es choqué. Ok, c'est déréglé, mais nous sommes des satellites. Sur un pays, le sang et le feu sont réclamés par un but. Sur le bitume, et c'est spécial Requiem ce soir. Foutre le dawa, nickel à rat. Le de L.I.N.O. T'attends pas? Yeah. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, nickel à hala. Les flammes de l'enfer. Et lundi 12, lundi 12, lundi 12, dans les parcs, album de L.I.N.O. Courez tous écouter du lyrics lourd. 12 janvier, secteur 1. T'attends pas ou quoi? C'est Requiem. Bon, monsieur Elieno, on est là. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, DJ Noise? DJ Noise au platine. Allez, parti, yes. Oh. Un petit inédit. Yeah. Arsenic de balle. Philosophie par choc. Ce qu'on est devenu, on le doit à la hure. Tu sais, y'a que chez les enculés qu'il n'y a pas de doublure. Du rap sale, des grosses voitures et des grosses coupures. On vient de l'école de ceux qui rappent, tirent sur des sons purs. Du troisième underground au sixième, chaudron sa carte pure. Carré pur et son, c'est congolais pur et pourvu que ça dure. Ouais. On peut ébranler notre foi, pas même les murs. Ça sent le parfum des années où tu ignorais cette culture. Ton rap, on l'a mis. Ensemble, on ferait du thé. Je te raconte pas, mec, lâche pas le micro. C'est ARPO en ce moment. Sur Skyrock, on lâche pas le mot qui on donne ça. Arsenic, C-C-A-L-B-O et Lino à deux. Si tu me rates, mon pote, je vais pas lâcher trop. On laisse pas ça et c'est un Porsche. Sur Skyrock, on met ça. Quelle que soit ta raison, il faut rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser, c'est la suite des gunshots. Tu ressens l'impact du bon son, coup de tête, coup de tête. Tu ressens l'impact d'un bon son, coup de tête. Philosophie, quelle que soit ta pensée, tu dois rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser, c'est la musique des gunshots. Ok, tu ressens l'impact d'un bon sac coup de tête. Voici les têtes brûlées qui foncent tête. Baisser, c'est pour les têtes blessées. Un bon son coup de tête, coup de tête. Faut dominer ces zones d'ombre et ces démons. L'enjeu pétait la compète. Faut qu'on pète la compète. Trêve de mondanité, trop peu de solidarité. C'est déjà, c'est sec pour nos libertés. Du 9-5 au 7-7, un cocktail de bousillé. Scier tous les canons, aiguiser les schlaffes, ça va briller. La vérité à poil, elle fait un petit strip. La France est sauvée. Coule le district, vitrine, je vais les pas choquer. Boîte l'industrie, pète le loquet du crime. Je rappe sur la scène. Ok, tu crises, viens croquer dans la batterie, je viens à la scène. Je vis dans une cible, l'homme a éliminé. De la haine peut naître un génie ou un criminel. On paye la violence gratuite, mes cicatrices sont là pour le prouver. Une rafale de perdu, d'idées retrouvées. Quelle que soit la pensée, tu dois rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser, c'est la cible des gunshots. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Philosophie, quelle que soit la pensée, tu dois rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser, c'est la cible des gunshots. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Je ressens l'impact d'un bon coup de tête. Le choc renforce l'exemple de Mohamed Ali. Soit tout le monde compte, soit tout le monde se frappe. Personne ne veut du complot. En cas de complot, on peut trop pas de froc. Baisser un bloc, placer qui provoque, tu peux glisser. Philosophie par choc, le rap game est blessé. Je vise la tête en plein centre, la gâchette est pressée. La vengeance est patiente, agressée. Les ondes saignent, philosophie du Jackson. Les grandes douleurs sont muettes. Prends ma parole, une exception. Ce sont une inspection, parce que de mort. On passe à déception. On va mettre ton rap à la diète. On a sa destruction. Enfoiré. Maintenant écoute, tu pèses pas ça la détection. Venu pour terrasser, venu pour faire le job. Une réflexion pour une action. Pire qu'à l'Erickson. Rod ou Acapella. Il a dit qu'il n'y a qu'un seul code. Quelle que soit la sélection de ton iPod. De balles arsenées. Quelle que soit la pensée, tu dois rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser. C'est la musique des grandes chansons. Tu ressens l'impact d'un bon son. Coup de tête, coup de tête. Tu ressens l'impact d'un bon son. Philosophie, et quelle que soit la pensée, tu dois rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser, c'est la zique des gunshots. Ok, tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Tu ressens l'impact d'un bon son. Spécial pour mon gars Midou, pour mon gars Wallace qui est là aussi. Spécial pour Dina, Burby, 9-3-7-7-7. Le 6ème chaudron, ils sont là aussi. Le 12 janvier, on est ensemble. Tu mets la famille, tout le monde est là. C'est pour le 7-7. Tout le monde, c'est l'heure du bon. Attends Fred, j'ai un petit mot. Allez faire avec des sacrés dédicaces. Quand même, non, j'ai Nous on a les dédicaces comme à l'ancienne. À l'ancienne, nous, de l'époque de Nova, nous. On a la Stan Smith dans le coffre. Allez, là c'est à vraiment. De Nova avec toi, là, là ça nous fait plaisir de venir ça, parce, ça que, changé, parce que là c'est l'album de notre frère Lino, d'Arsenic. Et je pense avec le rap de maintenant, 2015, il y a du bon rap, il y a des bons artistes. Mais là vous allez avoir un album et un gars qui a la plume, qui raconte quelque chose. Et pour qui une le fois. Rap, et pour qui le rap. C'est vraiment sa vie, quoi. Ça veut dire que c'est, il a jamais travaillé, je crois. Tu vois, je veux dire, c'est le rap, sa vie. J'ai travaillé. Non, il a fait des stages. J'ai travaillé. Il a fait des stages de plomberie. Trois mois. Mais là, mois. Là, vous allez voir, c'est quoi? Trois mois, c'est important. Voilà. Vous allez voir, c'est quoi le fond et la forme. Excuse-moi, moi, pour finir, parce qu'on est des jumeaux, il y en a toujours un qui parle et un qui conclut. Le truc, en fait, c'est que le rap, il est cyclique. Tous les cinq ans, il se passe quelque chose. 2010, il y avait quelque chose. 2015, c'est autre chose. Donc voilà, grand big up, Lino, Requiem. C'est le 12 janvier. T'inquiète. Pour une fois, il y a la forme et le fond, comme a dit le frelon. Donc, il n'y a pas de problème. On va tous l'acheter parce que c'est comme un, on va dire, un bulletin de vote. Tu vois, je veux dire, bah, voilà, nous, c'est notre homme politique. C'est un acte. Et voilà, c'est un acte. Voilà, t'as dit, c'est un acte. Un acte politique pour voilà. Mon banquier. nous, on va la banque de France. Après, on va la banque de France. Merci. Là, on va grailler avec lui. Merci aux deux balles, merci à Jani qui était là passée, merci d'être passé aussi. Salut à toi. Yes. Merci au Negmaron, Jackie, il faut que ça trace, là prochainement écouté aussi. Bien, il faut que ça trace. Et le Negmaron qui débarque aussi en 2015, on disait. Exactement. Merci à vous tous pour cette belle soirée en tout cas. Et avant de retrouver Diffon, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Yes. Jeff. 2015 démarre bien. Ah bien, cousin. Skyrock t'invite sur le Cosmo Tour de Soprano dans toute la France. C'est Amar de Lille qui vient faire tourner la roulette, ça va bien Amar? Allo, allo. Bienvenue Amar dans ce Planète Rap culte avec, avec Lino ce soir. Ah, ma gueule. Eh ben, Lino, big up. Lino, merci. Il y a Amar qui te fait un petit coucou en direct de Lille. Yes. Big up Lino, big up Sectera. Ouais, merci frère. Merci Amar. Non, parce qu'il y a des mecs qui me parlent dans les oreilles, je comprends rien. Là, il y a des mecs bizarres, des loups, des. Il y a des castors, il y a des trucs bizarres. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti Amar. Vas-y. Qui veut s'arrêter. Il a pas un vrai cri, le frère. Là, si tu gagnes rien avec un cri pareil, mon frère, il y a une couille. Et bah, la tournée de Soprano, il y a deux places pour aller voir Sopra en tournée dans toute la France. Oh, merci, bah, ma gueule. C'est pour toi, mon pote, Amar. Merci. Hey, à moi, il n'y a pas la place, c'est des dédicaces. Vas-y, on t'écoute. Bah, dédicace à toute la team Mitsushi, à Giovanni avec son gros beat, à Jamel, à Momo, à Pape, à Samir. Dédicace à ma petite sœur. Qui m'écoute là, dédicace à ma petite chérie, dédicace à tout le monde, voilà. Yes. Et merci à toi Amar, c'est Giovanni qui est refait. On le salue, en effet. Merci yes. Lino, une fois de plus demain, ouais. La dernière déjà de la semaine, mais tu seras aussi là la semaine prochaine. Ouais, donc la semaine prochaine on vient, on va monter crescendo. Là déjà on a fait du très sale, les frères sont venus, ils ont fait le boulot, ça fait plaisir. On s'amuse. On aurait pu faire un concert ce soir. Ouais. Faudrait qu'on fasse un concert comme ça. On va venir faire un concert la semaine prochaine. Alors on peut gérer ça la semaine prochaine. Ça peut gérer. On sait pas. On peut faire un concert en live. Le concept, on le met sur pied. Ah, y a qui me regarde. J'ai qui les choses. Il est pas contre. Il y a un truc à faire. En tout cas, il y a un truc à faire. On va mettre ça à Raga Hip Hop. Merci à Jeanne. Merci à vous tous. On peut y penser. Merci. Et demain, le retour un petit peu avant 20h. Et là, c'est Diffoul sur Skyrock. Oui, la radio libre sur Skyrock. Merci. Une belle soirée. Remember. Ah ouais, c'est clair. Ah bah, bisous à tout le monde. Yes. Ah bah, Marie, je suis passé vite fait, mais vous étiez occupé. Marie, c'était en train de faire un freestyle. Il y avait du monde, voilà, c'est ça. Parce que dans Planète Rap, je le rappelle, Fredo, tu nous le confirmes, il y a des freestyles tous les soirs. Il me semble, non? Oui, je crois. Je crois, mais j'ai entreaperçu tout le monde, je vous embrasse. Marie, les freestyles, on exclut tous les soirs. Marie, je sais, je suis en train de freestyler, leur tape sur les peubles. Non, je vais pas les faire chier. Merci Fred, en tout cas, merci Lino, merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Radio Libre, c'est parti. Dans un instant, sur Skyrock avec. Cosmopolitani, le son de Soprano. On va démarrer avec Cosmo. Beau message de Soprano, surtout cette journée de gueule de bois. T'as pas la gueule de bois aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué. Mais on est content de vous retrouver, on est content d'être avec vous et on vous attend dès maintenant en direct. Allez-y, faites tout péter. Vous pouvez débarquer sur Skyrock, radio libre, plus que jamais, au 01 53 40 30 20 avec toute l'équipe qui arrive. Fred, le rendez-vous, on le prend avec toi et avec Lino et avec tous les autres demain. Et bah demain pour déjà la dernière de la semaine, mais c'est pas grave puisqu'il reviendra aussi la semaine prochaine. Voilà. Double ration. Double ration, c'est sur Skyrock. Et Soprano, c'est dans 30 secondes, juste après la bande-annonce du morning. Il y a la bande-annonce du morning, il y a la Soprano qui arrive, et la radio libre juste derrière. À tout de suite. À tout de suite, Fredo. À tout de suite.